Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 4, colonne 2. C'est juste. Le Sorellois, dans son numéro du 31 août dernier, contient un judicieux article auquel nous adhérons complètement. Il s'agit de la création nécessaire et immédiate d'un quatrième district d'inspection des postes. Depuis nombre d'années, il n'y en a que trois et chaque jour de nouveaux bureaux de poste sont créés, chaque jour la correspondance augmente. Quatre inspecteurs ne seraient pas de trop. Nous croyons même être impartial en disant que ce nouveau district d'inspection devrait être établi sur la côte sud du Saint-Laurent, parce que les trois inspecteurs actuels résident sur la rive nord. Le nouvel inspecteur devrait être canadien-français puisque, sur les trois déjà établis, il y a deux Anglais. Ce sont des demandes opportunes que le gouvernement ne dédaignera certes pas. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.